Vous le savez, tous les mercredis, nous donnons la parole au futur de la recherche des jeunes doctorants, doctorantes qui viennent nous présenter leurs travaux de recherche, toujours en lien avec l'émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Adeline Néron. Bonjour. Bonjour. Vous venez de soutenir au mois de décembre dernier votre thèse à l'École des hautes études en sciences sociales au centre Alexandre Coiré, sous la direction de Dominique Pestre. Bienvenue à la recherche Montre en main, c'est à vous. Merci. Merci vraiment de cette invitation. Je suis heureuse de vous retrouver. Mon travail est essentiellement porté sur construire une sociologie politique de la bioéthique. Et donc ma recherche doctorale saisissait le champ de la bioéthique par qui est à la table de la bioéthique, c'est-à-dire les cadrages, qui siège, qui parle, au nom de quoi, de qui, et qui est entendu ensuite dans les espaces politiques, académiques et médiatiques. Et donc à qui, comment, pourquoi sont accordées des tribunes pour parler en bioéthique, dire ce que l'éthique est, comment l'éthique doit être. Et donc, des discussions à propos de questions de bioéthique se tiennent dans des multiples lieux et temporalités, que ce soit dans des laboratoires de recherche, des couloirs d'établissements médico-sociaux, à table en famille, sur des forums en ligne, des réseaux sociaux, mais c'est aussi des dispositifs institutionnels organisés de débats, de diagnostic et de régulation de problèmes. Et donc je me suis intéressée aux matérialités et au recrutement de cette bioéthique, on va dire, formelle. Ce que j'ai développé dans ma thèse donc, de doctorat est un panorama pour proposer des compréhensions de dynamiques d'ensemble. Donc il y a une dimension un peu méta. Et deux cadrages accompagnaient cette étude, les études sur les sciences, dans les sciences et techniques, parfois appelées STS, Science Studies dans un anglais inévitable parfois, dans la vie académique globalisée, dans lesquelles l'intérêt était les registres de connaissances et leur légitimation dans cette évaluation, on va dire, d'ordre qualitatif, de la morale, sociale, éthique de sciences et techniques. Technique et le second cadrage de théorie biopolitique dans lesquelles l'intérêt est cette évaluation de possibilités et de pratiques biomédicales relevant de donner ou prendre la vie, donner ou prendre des cellules, des gamètes, des organes et des informations. Sur le plan méthodologique, trois terrains principaux faisaient l'architecture de ce travail. Le comité intergouvernemental de bioéthique du Conseil de l'Europe, où j'ai passé plusieurs mois en continu dans ce qui s'appelle une participation observante. Le comité consultatif d'éthique, le CCNE, où j'ai pris pour le coup là, l'ensemble des avis en 30 ans et l'ensemble des membres en 30 ans aussi, qui ont donc animé cette émission d'avis. Les espaces de réflexion éthique, pour lesquels j'ai suivi pendant 2 ans 3 d'entre eux comme un échantillon d'un ensemble assez hétérogène d'espaces de réflexion éthique régionaux. Et donc là, avec leur rapport annuel d'activité, les formations qu'ils dispensent, leurs interventions de coordination locale, et aussi leur organisation progressive en réseau national. Et autour de ces trois nœuds, des terrains satellites se rattachaient, les présidents états généraux de la bioéthique de 2009, des consultations de parties prenantes, ce qui est un autre vocabulaire, des parties prenantes, par le Conseil de l'Europe, là sur la question de la génétique et des assurances et des tests de prédisposition génétique, la mission de réflexion sur l'accompagnement de la fin de vie en France et le Forum européen de bioéthique qui se tient annuellement. Et outre une masse donc documentaire et plusieurs traitements de littérature existante, ce sont des centaines d'heures d'observation et d'entretien qui permettaient d'étudier un travail quotidien de ces lieux d'éthique, les ressources sur lesquelles ils s'appuient, que ce soit des ressources financières, sociales, cognitives, et les trajectoires des personnes qui sont membres de comités, à ces échelles régionales, nationales ou supranationales, et les profils des intervenants et des participants à des conférences ou colloques ou débats publics en bioéthique. Un résultat est une tension dans l'institutionnalisation de la bioéthique de ces dernières années, où d'un côté s'observent des spécialistes, des personnes formées, dédiées à plein temps, créditées, et de l'autre des jugements de valeur sur des usages, des possibilités techniques et des pratiques liées à la santé et au corps, bien plus nombreux et pluriels. Donc d'un côté, on formalise, on codifie des méthodes, des diplômes, des critères pour discuter en bioéthique, des outils simplement, peut-être. Et de l'autre, en même temps, une narration de la bioéthique comme étant pas une compétence, un savoir, un métier. Donc cette tension n'est pas spécifique à la bioéthique, elle se retrouve dans tout dispositif de gouvernement potentiellement et tout dispositif participatif, mais se situe bien entre des intervenants marqués par certains accomplissements, certains éléments de parcours, et de l'autre, des personnes mobilisées pour d'autres caractérisations. Cette tension se voyait dans les états généraux, par exemple dans la confrontation des sachants, experts, et de l'autre des profanes citoyens. Sensibiliser des citoyens à la bioéthique pourrait être compris comme déjà dessiner un périmètre prédéfini, former peut être compris comme risquant de conformer. Et ce sont des questions qui, on voit, nourrissent cette nouvelle mise en œuvre d'états généraux aujourd'hui. Et pour, simplement pour terminer, je voudrais souhaiter souligner que trop peu discuter de la forme des débats serait risquer que cette discussion apparaisse davantage par la suite comme moyen de contestation ou discrédit des résultats des dits débats. Et donc profondément critiquer, observer, discuter, que ce soit un rendez-vous particulier ou dans le temps plus long, plus général, la forme des débats, comment se façonnent les modalités de traitement des questions de bioéthique, me semble particulièrement nécessaire considérant le fond